Ezequiel. Ok. Essayez de faire un truc simple. Non mais reste sur ton truc. Celui-là. Changer tonalité. Chanson de téléphone. C'est pas toi d'ailleurs. Ça s'est déconnecté. Alors les accords, je vais essayer de vous les écrire. Parce que j'arrive pas à écrire, ça marche plus. Alors c'est Do. Do. Do. Do. Do. Fa. Moi j'arrive plus à écrire sur le truc. Vous m'entendez? Ah ça y est. Alors, Do fa sol. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé. Je mourrai. Le jour s'est levé, plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve, il fallait s'en aller. S'en aller. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, qui veut bien voir. Le voile est levé. Sera soufflé. Oui, le voile est levé. Tout est si coloré. Et je donc adonné. La lune a soufflé. Nous sommes ici pour croire. Rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir. Et qu'il est déjà tard. Déjà tard. Mais pas trop tard. À toi de voir. À toi de croire. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie. Synchronise. Voilà. Vas-y, fais péter ta guitare. Thank you. Thank you.